Louis Noir, une Française captive chez les Peaux-Rouges. Chez les Sioux, 1899. Lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Chapitre 1er, un camp de Sioux. Une centaine de tentes s'élevaient au milieu d'une plaine canadienne immense où les forêts alternaient avec les prairies. Ces tentes, très vastes, étaient soutenues chacune par 15 ou 20 montants, disposés à ce que l'eau de pluie s'écoulât. Ces tentes sont faites de peaux de bison cousues ensemble avec les tendons de l'animal. Ces peaux forment chacune un tableau délimité par un cadre de broderie. Les femmes obtiennent celles-ci en teignant des tendons dans les sucs de certaines plantes et l'effet est très agréable à l'œil. Les artistes ont des fantaisies charmantes et ces broderies dessinent des arabesques souvent très originales. Dans ces cadres, les femmes ont dessiné d'abord et peint ensuite des scènes de guerre et de chasse avec la grâce naïve, la justesse et la puissance d'expression des primitifs. Ce n'est pas correct du point de vue École des Beaux-Arts, mais combien c'est vrai et comme c'est toujours nature. Des armes, des outils, des ustensiles sont rangés en ordre sous la tente, des vêtements sont pendus, les sacs de cuir sont accrochés au montant. Ils contiendront tout ce qui doit être transporté à l'abri de la pluie. On pénètre par une porte basse. En hiver, un feu ardent brûle au milieu de la tente. Comme celle-ci a 25 pieds de haut, la fumée monte et elle s'échappe par des ouvertures percées aux quatre vents. À terre sont étalées d'épaisses fourrures garnies de leurs poils. Lit confortable. Aucune maison n'est plus chaude que ces tentes en hiver. Mais ce n'est pas cette considération qui a fait adopter la tente aux Sioux et à la plus grande partie des Peaux-Rouges. La cause de leur prédilection est la nécessité de s'abriter pendant leur migration périodique du printemps et de l'automne. Au printemps, bisons, rennes, bœufs musqués, daims montent au nord. Tous ces animaux, le renne surtout, s'accommodent mal des grandes chaleurs. Dès que le thermomètre marque 2 degrés au-dessus de zéro, le renne souffre, et s'il est apprivoisé, ne veut plus tirer. Donc, question de température. Mais aussi question de nourriture. Tous ces animaux sont très friands des mousses tendres, des lichens délicats, des cochléarias, des herbes fines qu'ils trouvent sous la neige, en la grattant du pied. Quand l'été a séché les pâturages, ils sont beaucoup moins attrayants pour les hardes qui se déploient lentement vers le nord, précédant toujours un peu la fonte des neiges. Il faut bien que les Sioux suivent le mouvement de leur grand gibier. De là leur migration. L'Arabe saharien nomadise pour trouver de l'herbe à ses troupeaux. Les Sioux nomadisent pour trouver de la viande qui lui est indispensable. À l'approche de l'hiver, migration, retour du gibier et des chasseurs. Mais c'est l'époque des grands massacres, car il faut faire la provision de réserve pour l'hiver, réserve de viande séchée. Chaque famille en met de côté plus de 1 000 kilos. Notez que l'on n'y touche qu'en cas de disette de viande fraîche. Par certains temps, dans certaines circonstances, le gibier s'éloigne du camp. D'autres fois, une tourmente empêche le Sioux de chasser. Alors on a recours à la viande sèche. Les racines, les baies de conserve, les mousses, les lichens, une foule de légumes sauvages varient l'ordinaire du Sioux. Leur tribu ignore le scorbut. Il ne faudrait pas oublier parmi les ressources du Sioux la grande et la petite pêche. Un campement d'été présente une très vive animation. Hors des wigwams, les femmes préparent les mets, sèchent les viandes, fabriquent des vêtements et des peaux travaillées. Ces peaux de bison ou de daim sont d'une solidité et d'une souplesse, d'une douceur au toucher et d'une légèreté extraordinaire. Aussi valent-elles chères. Voici le secret de leur préparation. On les tend d'abord pendant plusieurs jours sur un châssis que l'on expose au soleil et au froid de la nuit. La rosée ou la gelée, suivie de l'assèchement du jour et des rudes morsures de la chaleur solaire, produisent leur effet. La peau se raidit. Quand elle est à point, on l'enduit de cervelle d'élan, de buffle ou de daim, du côté charnu, on la pétrit à la main, aux pieds, puis on la gratte avec un os taillé en dolloir. Note. Le doloir est un outil tranchant utilisé pour amincir ou régulariser l'épaisseur d'une surface. Elle s'amollit et devient très nette. Alors on creuse un trou de 3 ou 4 pieds de profondeur en terre. On l'emplit de poussière de bois aromatique pourrie, poussière séchée. On tend la peau par-dessus le trou, après avoir allumé la poussière. On couvre le tout d'une tente de peau ad hoc qui ferme hermétiquement. La fumée âcre mais odorante remplit la tente et la peau la pompe pendant 6 ou 8 jours et plus. Il faut, disent les Indiens, que toute la fumée soit bue. Quand on enlève la tête, la préparation est terminée et nul autre n'égale celle-là. Aussi, ces peaux sont-elles payées très cher aux États-Unis. Les Sioux l'ignorent, ils les échangent pour des choses de valeur dérisoire. Et cependant, les culottes en peau de daim du général Grant lui ont coûté $100. La peau avait été tannée par les Sioux. Tout le travail de ménage revient aux femmes et il est rude. Aussi, les Anglo-Saxons affectent-ils une grande indignation contre le Sioux qui fume sa pipe ou aiguise ses armes pendant que sa femme peine terriblement. Mais est-ce que nos paysannes ne vont pas comme l'Indienne au bois et n'en rapportent pas de lourds fagots? Est-ce que les corvées du lavoir en hiver ne sont pas dures? Est-ce que la couture, la cuisine, les soins aux enfants ne sont pas imposés à nos paysannes comme à l'Indienne, comme à la femme arabe? J'entends la bédouine. Tout ce qui a été dit au sujet de la misère des Indiennes et du sentimentalisme hypocrite particulier aux Anglais. Ces bêtes féroces ont l'air de s'attendrir sur l'Indienne pour rendre odieux leur gibier, le malheureux Indien. Et le travail de celui-ci est passé sous silence, quoique l'on sache très bien qu'il est très dur et très dangereux. C'est la chasse à cheval. 30 heures de selle n'effraient pas le cavalier Sioux. Et sans cesse, il faut chasser par tous les temps, puisque le fond de la nourriture est la viande et que la consommation en est énorme. Au foyer, le chasseur a ses travaux, des armes à fabriquer, à réparer, et une foule d'ouvrages de patience. Rien de plus absurde que de l'accuser de fainéantise. En pays bédouin comme en pays indien, je ne parle pas des musulmans des villes, les charges sont aussi bien réparties entre mari et femme que dans nos villages. Avec cette différence que l'Indien ne bat jamais sa femme. S'il est mécontent à bon droit, il expose ses griefs devant tout le village, où chacun est apparenté. On approuve sa résolution, et la femme rentre dans sa famille. C'est le divorce prononcé par le peuple assemblé, juge infaillible. Voilà l'esquisse rapide d'un village Sioux. Or, un voyageur blanc venait d'entrer dans le campement d'un chef nommé Taklan Bitanararon. Cela veut dire « tonnerre grondant ». Le chef est prévenu. Selon les règles de la politesse indienne, il attend le visiteur dans son wigwam. Celui-ci traverse le village sans qu'on paraisse prendre garde à lui. C'est un gentleman, ce que nos paysans appellent un monsieur. Mais ce n'est pas un homme distingué, tant s'en faut. Son vice, l'ivrognerie, l'a marqué de ses tares et le visage est dégradé. Cet homme, nos lecteurs habituels le connaissent, c'est Nilsson. C'est l'ancien directeur de la factorerie des bords du Mackenzie que M. Dussonville a cassé et chassé honteusement, comme il en a cassé et chassé plusieurs autres. Et Nilsson s'est vengé. À la tête de ses confrères et amis, il a enlevé dans l'île de Banks la nièce de M. Dussonville et l'ordonnance de celle-ci, Nadali, une ex-amazone de Béanzin. Et Nilsson vient, à ce sujet, négocier avec Tonnerre grondant. Il traversa donc le campement, sans mot dire, au milieu de l'inattention apparente générale, et il arriva devant le wigwam, tente, du sachem. Une demi-douzaine de chiens hargneux se mirent à hurler. Derrière eux, petits garçons et fillettes se tenaient à l'écart avec des airs effarouchés. Le visiteur savait qu'à moins d'excitation de la part du maître, les chiens ne le mordraient pas, et il ne s'en occupa point. Il se dirigea vers le centre où brûlait le foyer, car la journée était froide et brumeuse. Les habitants étaient ou assis ou couchés, les pieds au feu. Personne ne se dérangea, sauf une jeune fille qui déroula en silence une natte de jonc. Personne ne regarda le visage du blanc, c'eût été impoli. Tous les regards étaient fixés sur ses pieds. Puis, Après une contemplation muette des mocassins du visiteur, le sachem dit « Assieds-toi. » Point d'escabeau. Grosse, très grosse difficulté pour un blanc que de s'accroupir à l'indienne. Eux, les peaux rouges, accoutumés à cet exercice, le font sans fatigue, sans effort, avec beaucoup de souplesse et de grâce. Ils croisent leurs pieds d'abord, portent les mains et la tête en avant, et se laissent aller doucement jusqu'à ce que le séant touche en partie le sol, en partie les talons. Ils se relèvent aisément, aussi lentement, sans céder de la main pour se donner l'élan. Il y a tant de points de ressemblance entre les Arabes et les Sioux que l'on est continuellement frappé. Ainsi, les Arabes s'accroupissent exactement comme les peaux rouges. Nielsen était fait à cette acrobatie, et il l'exécuta brillamment. Alors, le sachem alluma le calumet, puis il le fit présenter aux visiteurs. Toujours sans mot dire. C'est à ce moment que l'hôte doit jeter un regard circulaire sur l'ameublement, et s'il est bien élevé, faire des petites réflexions élogieuses. Le sachem avait une jeune fille déjà bonne à marier, et Julie, sa femme, fort belle encore, berçait un enfant dans un berceau d'osier qui était suspendu entre deux montants. Très élégant, ce petit berceau et sa carcasse d'osier étaient revêtus d'une peau de porc-épic dont les piquants étaient teints de couleurs diverses. L'utilité de cette peau est d'empêcher les chiens de se dresser près du berceau sur leurs pattes de derrière et d'appuyer celles de devant sur le berceau pour lécher l'enfant, ce qui le ferait tomber à terre. Pour porter son enfant derrière son dos, la mère dégrafe la peau de porc-épic qui la piquerait. Nielsen passa la revue des armes et de l'ameublement. Bouclier renforcé, il en fut étonné. « Il me semble, dit-il, que voilà des boucliers d'une grande épaisseur. »« Hotch, oui, » dit Tonnerre grondant. « Ils sont plus longs que d'habitude et chancrés par le bas. »« Pour descendre plus bas que la selle et protéger les jambes jusqu'aux genoux. » « Le prolongement en dehors est pour la tête, probablement. »« Oui. » »« Il est percé de deux trous pour les yeux, afin de se diriger pendant la charge. » Nous avons aussi augmenté la bosse qu'ils font pour que la balle glisse mieux. Pourquoi ces changements? Les fusils des blancs sont devenus trop forts et leurs balles crèveraient nos anciens boucliers. Aujourd'hui, nous sommes sûrs de pouvoir arriver sur l'ennemi. Nous avons des jambières à l'épreuve et ce que tu vois là, ce sont des cuirasses pour le poitrail du cheval. Elles résistent aux balles nouvelles. Celles-ci glissent, je te l'ai dit. Et qui vous a donné cette idée de perfectionnement? Le sachem fièrement. « Idée à moi !» Nielsen réfléchit. Il savait le sachem très intelligent, mais il ne le croyait pas novateur à ce point. Les boucliers Sioux sont faits d'une carcasse de bois sur laquelle est étendue une peau de buffle d'abord. Puis on fait fondre des sabots de buffle mélangés avec diverses substances durcissantes et on étend par couche, à l'état tiède, cette gélatine à l'état de pâte tiède. Couche sur couche, on couvre le tout d'une seconde peau. La composition devient dure et sonore comme du fer. L'ancien bouclier était impénétrable à l'ancienne balle. Nielsen put se convaincre que le nouveau résistait aux projectiles de son Remington. Il en fut très surpris. Il vit des selles. « Mais, dit-il, c'est encore un nouveau modèle, comme le bouclier ?»« Oui, dit le sachem. » Le bec du devant se relève haut et large, protégeant le ventre. Le dos s'y est couvert. « Sachem, c'est très bien. Tu mérites de commander, car tes carquois sont bien petits. »« Petites aussi sont mes flèches. Pourquoi ?» Le sachem sourit. « Empoisonné, dit-il. » Le trappeur brésilien nous a appris le secret du poison. Les fers de lance sont coiffés, comme les fers de flèche. Ils sont empoisonnés aussi, et nous les coiffons d'un bonnet de bois. On le retire pour s'en servir. Alors vos harpons sont empoisonnés aussi, alors voir un capuchon. Oui. Mais vous ne vous en servez pas contre le gibier, je suppose. Si, le poison foudroie, mais la bête reste bonne à manger. Vraiment? Oui, on se contente d'enlever ce qui devient noir autour de la blessure. Tu as de belles gibecières. Ma femme sait broder et peindre. Vois ma tunique. Il portait en effet une belle tunique en peau de buffle, sur laquelle sa femme avait brodé des cadres d'un joli dessin. Dans les cadres, des peintures représentant les combats de son mari. Les mocassins en peau de daim du sachem étaient ornés de piquants de porc-épic teints. Ils étaient brodés, et au-dessus du genou pendaient des scalpes, 10 à gauche, 20 à droite. C'étaient les chevelures d'autant d'ennemis tués par le chef. Le sachem était coiffé d'une peau d'hermine, très précieuse, qui, par derrière, formait queue jusqu'à terre. Au sommet de la coiffure, une touffe de plumes d'aigle, d'autres en couronne. Sur le front, le chef porte une paire de cornes. C'est le signe du commandement. Or, cette paire de cornes était aussi un insigne de chef chez les Juifs. On s'accorde à dire que les peaux rouges ont le type sémite. Ce seraient des tribus sémites hindous qui, traversant le détroit de Béring, auraient peuplé l'Amérique en refoulant les tribus autochtones plus sauvages. Tout plaide en faveur de cette hypothèse, le type et les habitudes. Je l'ai dit, bédouins sémites et peaux rouges se ressemblent. Il est à remarquer surtout que le teint est le même. Couleur café au lait. C'est le même teint que les Abyssiniens, que les Ouama et que les tribus cafres de l'Est africain. Mais alors, pourquoi peau rouge? Parce que les Indiens se teignent, comme les cafres, avec de l'ocre rouge délayée dans de la graisse. Nilsson complimenta le sachem sur la beauté et la variété de ses masques en peau de bison, sur la solidité de ses sacs de déménagement et sur le fort travail de ses gibecières. Puis il admira tout haut les tuniques en peau d'agneau de la mère et de la fille, brodées de dessins représentant des lianes encadrant des bouquets de fleurs peintes. Ayant rempli ses devoirs de politesse, Nilsson entama les négociations pour laquelle il était venu. « Sachem, dit-il, tu as beaucoup de chevaux, tous très beaux. »« Mes jeunes gens, dit en air grondant, savent prendre les chevaux sauvages. » Ils ne lancent le lasso que sur les plus beaux mustangs. Nous dédaignons les autres. Nelson passa en revue les richesses du Sioux, puis il lui dit « Il te manque quelque chose. » « Quoi ? » « Des fusils comme celui-ci. » Il montra son Remington. Le sachem poussa un soupir. Nelson demanda « Combien as-tu de guerriers ?»« 183. »« Je te propose un marché. » « J'écoute. Je te donnerai 200 fusils Remington en bon état. Ils seront approvisionnés à 500 cartouches chacun. Tu auras un gage en main. Tu ne livreras le gage que quand je t'aurai livré les fusils. » Le sachem, réprimant une très vive émotion, demanda « Mais que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien. Alors je me défie. Pourquoi ? Tu n'es pas homme à donner beaucoup pour presque rien. » Nelson se mit à sourire. « Ta réflexion, dit-il, est d'un esprit judicieux. Mais si le service que je te demande n'est rien pour toi, il est beaucoup pour moi. Que veux-tu ? Je veux t'amener une jeune fille que j'ai enlevée. » Le sachem ne protesta pas. L'enlèvement d'une fille par un garçon qui veut en faire sa femme ne choque pas beaucoup les Indiens, et le sachem crut que c'était le cas. Il se contenta de demander « Et après, tu donneras à cette fille une tante et des femmes qui la garderont. Elles l'accompagneront partout. Si tu la laisses échapper, tu seras à l'amende de 20 pots de zibeline. Si tu la fais bien garder, tu me la rendras contre des 200 Remington. Pourquoi la caches-tu chez moi? Pourquoi ne l'épouses-tu pas tout de suite? Ce serait fixé. Les parents ne te la réclameraient plus. Mon but n'est pas de l'épouser, mais d'obtenir de sa famille quelque chose qu'elle me refuse. Et si tu sais brider les langues de tes femmes, de tes jeunes gens, personne ne saura qu'elle est ici. » Le sachem réfléchit longuement. En tous sens, il tourna, retourna la question, puis il dit gravement « Je vais assembler le conseil. » Il appela le crieur public. Celui-ci reçut un ordre, sortit, siffla dans un tibia de daim, puis il appela les guerriers à tenir le conseil. Les guerriers sont ceux qui ont tué plusieurs ennemis ou beaucoup de jaguars. Des braves se mettent volontairement sous leurs ordres. Chacun suit ses sympathies. De droit, les guerriers s'assoient au conseil, ainsi que le médecin ou sorcier. Le mot médecine a une très large signification chez les Indiens. La médecine comprend la religion, les sortilèges et les remèdes magiques. Car pour les remèdes réels qu'ils emploient, tous les Indiens les connaissent. Le quinquina est une de leurs découvertes et non des moins précieuses. La coca, qui rend maintenant de si grands services dans la thérapeutique, était connue d'eux depuis longtemps. J'en passe et des meilleurs. Mais cependant, je dois dire que l'on vient de découvrir, dans la tête même des vipères, le remède à la piqûre de la vipère. Or, le sauvage, après avoir au-dessus de la piqûre ligaturé le membre atteint, après avoir sucé la plaie, le sauvage écrasait la tête du serpent et l'appliquait avec une compresse sur la blessure. On se moquait de lui. On n'en rit plus aujourd'hui. Mais je le répète, ce qu'il demande au sorcier, c'est une médecine morale. Le sorcier revêt une peau d'ours, prend un caducé enveloppé d'une peau de serpent, et piqué dans des corps de rats, de crapauds, de corbeaux et autres animaux, notamment de hibou. À sa fourrure d'ours, au masque, au coude, aux genoux, pendent des sonnettes, des grelots et autres objets faisant du bruit, des castagnettes par exemple, et des petits cailloux enfermés dans des étuis. Et il s'en va faire autour du malade des danses, des exorcismes, des conjurations, des passes, des massages et autres pratiques. N'est pas sorcier qui veut. Il faut subir des épreuves extraordinaires, cruelles et bizarres. Une des fonctions du sorcier est de produire la pluie ou de la faire cesser. Il connaît, à certains signes, l'approche du mauvais ou du beau temps. Il refuse toute conjuration jusqu'à ce que ces signes apparaissent. Alors il se livre à ses simagrées et le temps demandé se produit. On acclame le sorcier. Pourquoi un peuple qui n'est pas agriculteur demande-t-il pluie au beau temps? Question de fourrage. Le sorcier est l'homme le plus heureux du village. Il a toujours la panse pleine. À lui les meilleurs morceaux, sans qu'il ait besoin d'aller à la chasse. Son pouvoir contrebalance celui du sachem. Il est très influent. Au conseil, on l'écoute avec révérence. Le sorcier ne manqua pas de se rendre à l'assemblée avec les guerriers. Parlement en plein air, on s'assit en cercle. Derrière chaque guerrier, ses braves. Derrière eux, les femmes et les enfants. Derrière encore, les chiens. C'est une scène pittoresque. On alluma le calumet, et le chef blanc, comme tous les guerriers, en fumèrent une aspiration. Après quoi, la parole fut donnée à Nilsson, qui développa sa proposition. Quand il eut terminé, le sorcier dit en langage amphigourique. Qui se cache derrière une pierre a de mauvais desseins. Les blancs ont souvent la longue fourchue comme celle des serpents. Quand on invite un homme à s'approcher d'un feu qui l'éclairera, s'il s'y refuse, c'est qu'il a une arrière-pensée. Celui qui souffle une torche portée par un autre veut les ténèbres. Qui veut les ténèbres est un très mauvais homme. « Hotch !» dirent les guerriers. Alors, brusquement, le sorcier demanda à Nilsson, abasourdi par ce flot de phrases tombant en averse. « Que veux-tu de la famille de la jeune fille que tu prétends nous faire garder ?»« Ça, dit Nilsson, c'est mon affaire. » « Une affaire que tu ne veux pas éclaircir. » Au guerrier. « Voyez, il ne veut pas que nous sachions. » Et il se tut. Il se fit un grand silence. Chacun réfléchissait. Nilsson dit enfin. « 200 Remington sont bons à prendre et ils vous rendraient très fort. Je vous confierai une jeune fille, vous me la rendrez, peu vous importe le reste. » Le sachem demanda à un guerrier. Qu'en pense le nez forcé? Je pense que du moment où nous aurons la jeune fille, que nous ne la rendrons que contre les fusils, l'affaire est bonne. Le sachem questionna tous les guerriers, et tous furent d'avis d'accepter. Mais il fallait savoir si le sorcier approuverait cette décision. Consulté, il répondit toujours en parabolique et en figurique langage. Il vaut mieux tenir un poisson par la tête que par la queue. Toutefois, si vous ne pouvez prendre que la queue, pincez-la avec l'ongle du pouce. Peut-être retiendrez-vous le poisson. Puisque le blanc ne veut pas dire ce qu'il attend de la famille de la jeune prisonnière, faisons comme on fait quand on ne peut pas mieux faire, et acceptons les 200 fusils. À la bonne heure, dit Nilsson, Voilà qui est parlé, ô grand médecin. » Et il entra dans tous les détails de la convention qui fut proclamée faite et bien faite par le crieur public. La foule ratifia en criant à plein poumon et longtemps. « Otch ! Otch ! Otch ! » Demain, dit Nilsson, quand l'enthousiasme se fut calmé, « demain je vous amènerai la jeune fille. »« Et nous la garderons, » dit le sachem. Il reconduisit son hôte dans son wigwam et il lui fit servir un bon repas de venaison que les femmes avaient préparé. Il l'entoura de soins et d'égards et le reconduisit jusqu'au moment où le visiteur monta sur son cheval qu'il avait laissé à l'entrée du village.